un peu faire ce qui me tenait à cœur. Je n'ai rien que pu faire ce qui m'était accordé de faire. Je voulais, est-ce que je pouvais? Dans la limite de ce que je pouvais faire. Oh,